tous les gens, que vous soyez simple de personnalité ou complexe de personnalité, vous êtes censé être plus intelligent aujourd'hui que vous l'étiez avant. C'est ça la transformation que crée la conscience supramentale une fois qu'on sait comment ça marche. Mais la descente de l'énergie de l'intelligence sur la Terre, c'est pas fini, ça commence. C'est des cycles, ça. C'est comme des vagues. Puis plus le temps avance, mais plus on reçoit encore une autre vibration d'intelligence, puis une autre vibration d'intelligence, puis une autre vibration, puis une autre vibration. De sorte qu'éventuellement, l'écho s'ajuste, puis éventuellement, bon, on est là-dedans, puis ça marche. Mais il y a un problème. Les gens ne sont pas fusionnés. Encore. Et comme les gens ne sont pas fusionnés encore, quand il y a un choc, quand il y a un changement vibratoire dans le mental de l'homme, et que le supramental commence à se mélanger avec le mental, que l'énergie extérieure commence à rentrer dans la caverne à écho, en général, l'homme subit un choc quelconque. Un choc au niveau émotionnel, parce que ce sont les émotions qui servent le plus à créer des échos dans le cerveau. Ça part toujours du choc émotionnel. Et plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez être sensible à l'énergie. Et automatiquement, plus vous allez être sensible à des chocs qui, auparavant, avant, n'auraient pas été, par vous, une situation tellement difficile. Mais demain, vous pouvez très bien sentir des chocs, des situations de vie qui vont vous créer des chocs. Et ces chocs-là, qui peuvent vous élever de n'importe quelle façon, vous le saurez jamais, seront nécessaires pour que descende dans votre caverne, à écho, encore une autre énergie pour constamment ajuster ces échos-là, pour que vous en veniez un jour à avoir tellement peu d'écho que vous en arriviez un jour à être parfaitement sûr de votre intelligence. Parfaitement sûr de votre intelligence. Jamais en doute de votre intelligence. Dans le phénomène de l'écho, il y a deux parois. Dans notre cerveau, il y a deux parois. Il y a une paroi sur laquelle c'est marqué vérité, il y a une paroi sur laquelle c'est marqué mensonge. Puis les échos se promènent d'un bord puis de l'autre. Puis nous autres, on est toujours pognés entre les deux. Si l'écho avait la vérité, on est pogné avec ça. Si avoir sa paroi du mensonge, on est pogné avec ça. Et l'homme doit apprendre, une fois pour toutes dans sa vie, que ces deux parois-là sont les limites de l'écho dans votre cerveau. Autrement dit, l'écho dans votre cerveau, elle a une limite, et sa limite, c'est la vérité ou le mensonge. Puis un jour, si vous voulez un jour être dans l'intelligence, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir de limite. De sorte qu'un jour, pour que vous n'ayez plus de limite, il faut que vous réalisiez que ces deux limites-là, qui sont les limites de l'écho dans votre cerveau, doivent disparaître. Un jour, il faut que vous en arriviez en tant qu'individu à ne plus être accroché au besoin, à la nécessité d'avoir une écho qui vous donne une résonance interprétée ou interprétable comme étant de la vérité ou du mensonge. Puis tant que vous n'aurez pas raffiné, que vous ne serez pas suffisamment raffiné dans votre caverne à écho, dans votre mental, pour comprendre ceci, Dr. Arbeck, vous ne pourrez pas être dans votre intelligence. Vous serez toujours limité par les échos qui font partie de votre mémoire, qui maintiennent votre mémoire en vie et qui ne veulent pas lâcher. Parce que l'écho ne veut pas lâcher l'âme. Parce que l'astral ne veut pas lâcher l'âme. Et tout ce qui est écho dans la tête de l'âme, c'est astral. C'est-à-dire, c'est de l'intelligence inférieure. Même si elle est fine, bien belle, bien bonne, bien ci, bien ça, c'est une intelligence inférieure, c'est-à-dire que c'est de l'intelligence limitée, c'est-à-dire que c'est une limite sur l'intelligence. Et si l'homme vit une limite dans son intelligence, il ne peut pas se considérer un être intelligent. Il peut se considérer un être éduqué, mais il ne peut pas se considérer un intelligent. Un être intelligent dans le sens d'un être qui est dans l'intelligent. Il y en a bien parmi vous autres qui sont intelligents, mais qui ne sont pas intelligents. Puis si vous êtes intelligent, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas intelligent. Même si vous êtes intelligent. Puis un jour, vous comprendrez qu'être intelligent, ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien être intelligent. Ça ne sert qu'une chose. Ça ne sert qu'à maintenir sur la terre la conscience expérimentale de l'homme et ça le coupe complètement de l'expérience créative, de la conscience créative du surhomme de demain. C'est deux points de vue totalement opposés l'un de l'autre. L'évolution versus l'évolution. C'est pas à l'homme, c'est pas à l'écho dans son cerveau de délimiter le pouvoir du cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme, le pouvoir du cerveau de l'homme est infini. Et plus vous apprendrez au cours des années à ne pas vivre d'écho dans votre cerveau, plus il y aura d'activité de vos neurones. De sorte qu'éventuellement, au cours des années, vous en arriverez, ou l'homme en arrivera, à passer du stage psychologique au stage psychique. Le psychisme de l'homme doit un jour naître sur la terre. Le psychologisme de l'homme doit un jour cesser sur la terre. Et quand le psychisme de l'homme remplacera le psychologisme de l'homme, à ce moment-là, l'homme pourra, de par son esprit, libre complètement des échos, travailler la matière, entrer dans les terres, faire ce qu'il y a à faire, ainsi de suite, en tant qu'être créatif. Mais pour que se développe le psychisme chez l'homme, contre la permanence du psychologisme chez l'homme, il faut que l'homme en arrive un jour à se dégager de la tâche qu'il a aux échos dans son cerveau. C'est ça qui empêche l'homme de vivre psychiquement. De vivre électromagnétiquement. C'est ça. Parce que les échos dans son cerveau ont une façon très particulière de se manifester. C'est que elles sont constamment réflectives. Au lieu d'être expansives et génératives et créatives. Elles sont réflectives. Constamment réflectives. Alors, l'homme, au cours des années, avec des échos dans sa tête qui sont constamment réflectives, qui se complètent les unes les autres, dans des domaines dans des domaines extrêmes de vérité ou de mensonge, l'homme est incapable de sortir de cette affaire-là, de vérité puis de mensonge, vérité puis de mensonge. Puis l'homme doit un jour en sortir, parce qu'aussitôt que l'homme sort de la vérité et du mensonge, autrement dit, du mécanisme polarisant de ces échos-là dans son cerveau, il crée dans son esprit une fuite, il crée une ouverture qui part de son cerveau physique, puis qui s'en va directement dans son cerveau éthérique, puis il se crée une connexion entre les deux. C'est là que l'homme commence à rentrer dans la pensée réelle. La pensée réelle étant le produit de la descente de l'énergie dans son cerveau, qui crée une condition neuve d'expression de l'esprit de l'homme, pour qu'un jour l'homme en arrive, à cause de tous ces changements vibratoires qui se créent lorsque ceci se produit, en arriver à vivre, à créer son psychisme. Il faut que le psychisme de l'homme prenne naissance un jour. Et le psychisme de l'homme ne peut pas prendre naissance si l'homme est prisonnier des échos dans sa tête. Et c'est facile de reconnaître un écho. Il y a toujours du vrai ou du faux. Dans un écho, il y a toujours du vrai ou du faux. Du vrai ou du faux. Du vrai ou du faux. Dans tout écho, il y a du vrai ou du faux. Dans de l'intelligence pure, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. C'est simplement constamment de la pénétration plus loin et plus loin et plus loin et plus loin dans le domaine de l'intelligence. Mais là où il y a de l'écho, il y a du vrai et du faux. C'est ça qu'il faut que vous fassiez attention. Parce que quand vous en serez arrivé à être débarrassé de la nécessité de vivre ou d'avoir besoin du vrai ou du faux dans votre tête, vous commencerez automatiquement à vous sentir de plus en plus capable à affronter de l'intelligence, à vivre de l'intelligence, parce que c'est pas facile de vivre de l'intelligence. C'est facile de vivre de l'écho dans votre cerveau, mais c'est pas facile de vivre de l'intelligence, parce que de l'intelligence, c'est pas fait comme de l'écho. Les images mentales, est-ce que c'est de l'écho? Les images mentales sont de l'écho, mais elles sont toujours proportionnelles au perfectionnement de votre écho. Si vous avez un bon écho, vous aurez des bonnes images mentales. Si vous avez une bonne écho, vous aurez une intelligence de plus en plus créative, vous avez une pensée de plus en plus créative, automatiquement vous aurez des images de plus en plus créatives. Vous n'aurez pas de perte d'énergie, vous n'aurez pas de niaiserie dans vos images mentales. C'est quoi une perte d'énergie sur les images mentales quand tu les... L'image mentale est toujours une perte d'énergie, mais l'homme n'est pas fusionné, puis tant que l'homme ne sera pas fusionné, il y aura accès à l'image mentale. Mais même si l'image mentale est une perte d'énergie, plus votre écho dans votre tête, plus vos pensées subjectives sont créatives, et plus vous les savez créatives, et plus vous les savez comme émanant de l'intelligence extérieure qui passe à travers votre système personnel, plus à ce moment-là, votre image mentale sert et correspond à votre pensée créative. À ce moment-là, elle vous sert, votre écran mental, votre image mentale. Mais il y en a qui ont des images mentales, c'est de la vraie pornographie dans leur cerveau tout le temps. Il y en a qui sont pas capables de faire l'amour à leur femme sans se plaquer une grosse négresse, c'est des grosses bidounes. Quand ils ont une grosse négresse, c'est avec des grosses bidounes, là, ça marche. Là, ils peuvent faire l'amour à leur femme. Mais si, puis elle ne sait pas, elle. Fait qu'elle pense qu'il fait l'amour à lui, à elle. Mais c'est la grosse négresse dans sa tête qui fait l'amour. Ils aiment bien grosse négresse. Je prends grosse négresse parce qu'ils sont volumineuses. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Je prends un cas extrême, là, l'amour, parce que l'amour, tout le monde est touché par ça. Il y en a d'autres, il faut qu'il y a fouette dans sa tête. Il y a fouette. Il y a mal un poteau, puis il comprend-tu, il y a fouette. Là, ça marche avec sa femme. Tant qu'il y a fouette. Mais s'il n'est pas capable de se mettre un poteau dans sa tête, puis la femme, là, qui est en bikini, puis il y a fouette, ça marche pas avec sa femme. Puis il y en a, faut pas vous compter toute l'histoire de tout le monde. Je te dis qu'il y en a, faut vous parler. Mad Magazine, c'est de l'enfantillage. T'as comparé ce qu'ils ont. Mais Bernard, tu sais, là, quand tu dis là, que finalement ton image mentale, là, elle devient créative, là, à ce moment-là, ça, c'est de l'écho pareil, OK, mais elle est intelligente. Mais à ce moment-là, c'est pas de l'intelligence pure. Non. C'est de l'intelligence. Mais c'est de l'intelligence suffisamment ajustée pour qu'elle te serve. Mais à un moment donné, t'en as plus besoin de ça. Éventuellement, elle change, pas change, pas change, pas change, puis éventuellement, tu sais. Mais là, c'est pas parce que je vous parle de ça, là, de l'affaire du poteau puis le fouettage, pas la grosse négresse, que si vous faites l'amour à votre femme, que vous allez. Parce que là, il y en a qui vont aller de l'autre bord. Là, ils vont faire l'amour à leur femme, puis avant, c'était la grosse négresse. Fait que là, ils vont en changer pour d'autres choses. Puis là, ça m'a fait. Fait que gardez-la, votre grosse négresse. Allez pas changer pour d'autres choses. Parce que votre femme, elle va se plaindre. Je vous explique simplement. Je vous explique simplement le mécanisme. Plus tard, ça change, puis ça change, puis ça change, puis ça change. Sans ça, vous allez vous culpabiliser, vous allez faire tout ça d'overtime. On a assez de problèmes à avancer lentement sans avancer trop vite. Imaginez-vous à Saint-Dierre, je sais, ouais, c'est drôle. Il y en a qui vont bloquer là. Ou Saint-Joseph. Comment, Marvin? J'aime bien ça, vous taquinez, vous autres. Vous aimez bien vrai. Mais vous comprenez le point, je veux dire. Le point. Parce qu'il faut comprendre la mécanique de notre cerveau. Il faut bien comprendre la mécanique de notre cerveau. Y a-tu des questions sur ça? Si vous faites le vide? Si vous êtes capable de le faire, c'est bon. Si vous êtes capable de le faire, c'est bon. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes capable de le faire, c'est bon. C'est comme quand je dis si vous faites de la méditation, c'est bon. C'est tout de la méditation pour moi. Ouais. Si vous êtes capable, c'est bon. Ça, il vient de demander une question qui est bien à point. Parce qu'il est tout là, le phénomène humain. Le phénomène de l'intelligence humaine est tout là. Il faut qu'on sache quand on est intelligent et quand on ne l'est pas. Il faut qu'on le sache. C'est pas facile de savoir parce que c'est tout un phénomène d'écho. C'est tout un phénomène d'écho. C'est pour ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que je vous parle le temps, puis je vous parle le temps, puis je vous parle le temps? C'est pour vous amener à raffiner, puis raffiner, puis raffiner, puis raffiner, puis raffiner, puis raffiner, puis raffiner tout ce matériel d'écho-là dans votre cerveau. C'est pour ça que je vous parle le temps. Et un jour, on en arrive à un raffinement. Puis là, on sait qu'on est intelligent, qu'on est dans l'intelligence. Bon, là-bas. On avance. Y en a-tu aujourd'hui qui savent qu'ils sont intelligents tout le temps? Plus, tout le temps. Okay. Mais je veux voir s'il y en a au moins un qui sait là, qui est intelligent tout le temps. Quoi? Moi, j'ai cru longtemps que j'étais intelligent tout le temps. Ouais. Je me suis fait avoir un... Ben oui, mais c'est ça l'écho. Vous ne pouvez pas être intelligent tout le temps après un an ou un an et demi ou deux ans de transformation. Intelligent tout le temps, là, ça prend un certain nombre d'années. Moi, je pense que ma femme aujourd'hui est intelligente tout le temps. Mais elle a passé des maudites souffrances avec moi pour en arriver. Moi, j'ai éliminé son écho, comprends-tu? Pendant des années, puis des années, puis des années. Puis aussitôt qu'elle avait un petit peu, je mettais la hache dedans. Elle avait un petit peu, puis je mettais la hache dedans. Un petit peu. Fait que, puis après ça, là, ça prend un certain nombre d'années. Pour être intelligent tout le temps, il faut que tu vives au moins un cycle complet de vie qui dure à peu près 7 ans. Après 7 ans, tu as passé tout un changement de vie. Hein? C'est un encode, c'est 7 ans, un changement de cycle de vie. Là. Après ça, là, si tu as réellement emboîté le pas là-dedans, là, ça prend 7 ans. C'est pour vivre, en arriver à être sûr là, d'être dans ton intelligence tout le temps, ça prend un bon 7 ans. Mais tu peux le sentir avant ça, mais c'est pas tout le temps. Non, pas nécessairement. Être intelligent tout le temps, ça veut dire être capable de constamment et en permanence et instantanément de reconnaître la différence entre de l'écho et de l'intelligence. Mais la fusion, tu ne penses pas. La fusion, il n'y en a pas d'écho. T'sais? La fusion, il n'y a pas d'écho. Ça fait que tu n'as pas le choix. T'sais? S'il y a quelque chose dans ta tête puis qu'il n'y a pas d'écho, ben c'est rien que ça. T'sais? C'est rien qu'une ligne. Entre toi et puis. Fait qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien pour troubler ton esprit. Il n'y a rien pour te faire aller à gauche ou à droite. Il n'y a rien pour te faire coller au mur de la vérité ou du mensonge. Il n'y a rien. Okay. Si je comprends bien, là, ça veut dire que être là, intelligent tout le temps, là, ça voudrait dire que je suis intelligent, mais accepter que je pense, mais d'une façon intelligente. Okay? Il y a un discernement qui se fait. Tandis que quand je suis fusionné, là, je ne pense plus. Ouais. Je suis dedans. C'est ça. C'est là la différence. C'est ça. Okay. Ouais. C'est ça. C'est ça que je dis tout le temps. C'est pas la fusion qui est importante. C'est que vous en arrivez. J'appelle ça de la conscience. La conscience, c'est une personne qui est consciente, c'est une personne qui en arrive à être intelligente tout le temps, mais elle pense. T'sais? Elle pense. Mais c'est une pensée qui est bien claire et bien nette. Puis il n'y a pas d'écho, là. T'sais? C'est une pensée. si cette personne-là là, était fusionnée, là, elle ne pourrait plus penser. Ça serait une connexion directe. Ça est différent. Laurent, quand tu nous parles, que ça résonne pas, puis qu'il y a rien, que ça rentre, puis que tu retiens pas 5 minutes après, tu peux pas rien dire. C'est ça, finalement, être à vide. C'est ça. C'est ça, le vide. L'intelligence, OK. La pensée qui vient à un moment donné où tu commences à accrocher sur quelque chose, c'est là que l'écho commence à intervenir. C'est ça. C'est ça. C'est là que vous enfargez. Lui, il l'a bien expliqué, la différence, l'affaire. C'est le petit même. Mais on n'est pas habitué à être intelligent tout le temps. Parce que, d'abord, ça ne nous a jamais été expliqué comment ça marche. Puis, deuxièmement, parce qu'on n'est pas arrivé à ce point-là encore. On avance vers ce point-là. Puis, dans le processus d'avancement vers ce point-là, bien... Si on a une bonne formation, puis on a une bonne éducation, puis on a un bon cerveau, ainsi de suite, c'est plus facile pour nous autres de tomber dans la trappe d'être intelligent. Si on n'a pas une grosse formation, qu'on est plutôt des gens simples, c'est plus difficile pour nous autres d'avoir cette sorte de certitude qu'on est intelligent. C'est deux formes de résonance différentes. Celui qui a une bonne éducation, puis qui est à l'université, puis qui a une bonne mémoire, lui, il peut avoir l'impression d'être intelligent tout le temps parce que son ego est plus sécurisé dans sa mémoire. Tandis que l'autre, qui n'a pas une grosse éducation, qui était sur la ferme toute sa vie avec des vaches et des cochons, son ego n'a pas le backing d'une forte mémoire. Mais dans un cas ou dans l'autre, c'est toujours la même chose. Celui qui est simple, qui trouve difficile d'être intelligent tout le temps, c'est parce qu'il y a de la résonance. Puis celui qui a beaucoup d'éducation, qui a une bonne mémoire, puis qui a un ego qui est bien baqué par son éducation et sa mémoire, a aussi de l'écho. Fait que les deux tombent dans la trappe. C'est pour ça que les intellectuels, les gens, les scientifiques, ainsi de suite, ils se pensent intelligents, je comprends. Ils ont tout un bagage de mémoire derrière eux autres, puis en général, quand ils parlent, ils parlent avec des profanes. Fait que quand tu arrives avec un profane, quand tu as une grosse mémoire, tu vois que tu es un psychologue, puis tu as une grosse mémoire dans ta discipline, puis tu arrives à une femme qui reste à rue Saint-Hubert, puis qui a des problèmes avec ses enfants. Mais c'est évident, tu deviens une autorité. Fait qu'avec le temps, tu penses que tu es intelligent, tu penses que tu es dedans. Mais quand tu rencontres un gars comme moi, c'est final, je te mets à terre. Je la mets à la porte complètement de ton intelligence parce que je la défends. Je te fais voir tes échos, je te fais sentir tes échos, puis je te fais sentir. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce qui arrive? Là, tu commences à changer. C'est ça qui arrive avec l'homme. Alors, lorsque l'homme rentre en contact ou en conflit avec la notion qu'il est intelligent tout le temps, ou avec la notion qu'il ne peut pas être intelligent tout le temps, il doit en arriver à se sortir de ces deux sortes d'échos-là. C'est pas d'être intelligent tout le temps qui est important, c'est d'en arriver à être intelligent tout le temps. Il faut que l'homme en arrive à être intelligent tout le temps. Et l'homme qui a une belle éducation, il faut qu'il en arrive à voir à travers l'illusion qu'il est intelligent tout le temps tout de suite, un jour, pour qu'un jour on arrive à être réellement intelligent tout le temps et se servir de sa mémoire à ce moment-là pour réellement aider l'humanité. Ou l'homme qui est simple, il faut qu'il en arrive un jour à avoir la certitude, lui aussi, même s'il n'a pas une grosse mémoire d'éducation, d'être intelligent tout le temps, mais au niveau où sa vie le situe. Fait qu'à ce moment-là, le scientiste qui est conscient, puis l'homme simple qui est conscient, ils peuvent parler tous les deux. Parce que sont tous les deux intelligents tout le temps, mais ils n'auront pas le même vocabulaire. C'est ça la beauté de l'intelligence réelle. C'est l'opposé qui sépare les hommes aujourd'hui. T'as une hiérarchie dans le monde, puis t'as les gens qui ont le gros pognon intellectuel à l'université, puis t'as les étudiants ou ceux qui sont en dehors puis qui ne sont pas à l'université. Fait que ça fait une pyramide. Puis ceux qui ont le gros pognon, mais ils veulent garder leurs opinions, puis ils veulent regarder leur mémoire, puis ils veulent garder l'impression d'être intelligent tout le temps. Fait que les erreurs continuent pendant des siècles, puis ça s'accumule, puis ils font des thèses doctorales, ces erreurs, ainsi de suite. Mais ça marche. Jusqu'à temps qu'ils rencontrent le Waterloo. S'ils rencontrent le Waterloo avec moi, c'est pas grave, parce que moi, je suis tellement neutre que je les amène plus tard à réaliser d'autres choses. C'est un exemple, toi, Pauline, t'es un exemple. Je t'ai mis à la tête dans le séminaire, pour aujourd'hui, ben, t'es rendu à être debout. Mais vraiment debout! Il va falloir que je te mette à terre. Tu comprends? Sans ça, on serait allé nulle part, moi, pis toi. Tu comprends? Mais, si tu avais rencontré une autre personne, une autre femme, avec ta sorte d'intelligence, ça aurait été en guerre. Puis supposons que ça serait donné réellement qu'elle aurait pu te mettre dans un coin, t'aurais eu, ton ego aurait été insécure pendant des années de temps. Puis c'est le même que les gens sont. Tu as des gens aujourd'hui qui ont des belles intelligences, puis tu sais, tu rencontres toujours quelqu'un dans... Tu rencontres toujours un autre boxeur un jour, hein? Puis il y en a un jour qui te met à terre. Là, ton ego vibre, là. C'est le même que les gens sont malheureux. Fait que c'est ça la différence. Mais il y a des gens qui ont des échos dans leur mental qui sont tellement particulières que c'est quasiment normal pour eux autres de penser qu'ils sont intelligents. Puis en effet, ils sont intelligents, seulement leur intelligence n'est pas perfectionnée. Moi, j'ai jamais eu de doute que tu étais intelligente quand je t'ai rencontré. C'est toi, j'ai pris tellement de temps avec toi dans le séminaire. Mais toi, il faut que tu réalises aussi l'illusion de cette sorte d'intelligence-là pour rentrer dans une autre sorte d'intelligence. Fait qu'à ce moment-là, tu peux réellement apprécier ton intelligence réelle qui grandit, puis qui grandit, puis qui grandit. Fait que là, c'est le fun. Là, tu deviens le fun pour ton mari, tu deviens le fun pour le monde, tu deviens le fun pour les gens que tu rencontres, au lieu d'être un casse-pied pour ton mari, mais un casse-pied pour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je t'apprécie. D'ailleurs, je t'appréciais quand je t'ai rencontré. Mais tu ne vas pas savoir que je t'appréciais quand je t'ai rencontré. Tu étais là pour me boxer dans l'arène, toi. Ouais, de quel bois qui chauffe, ce gars-là. T'sais. Il y en a bien qui viennent d'un séminaire, même. C'est normal, hein? Mais, une fois que les hommes sortent de cette école-là, là, ils rentrent dans leur intelligence. Là, ils sont bien. On est bien. Parce qu'on est bien dans notre intelligence. C'est merveilleux être dans notre intelligence. C'est merveilleux. Merveilleux. Il y en a qui sont dans leur intelligence, puis avec lesquels j'ai jamais eu ce combat-là. Croteau, c'est un exemple. Croteau aussi en avait des échos. L'autre, comment est-ce qu'il s'appelle? Merde. What's your name? Claude, Roy. C'est un autre, ça. Qui avaient suffisamment d'intelligence, eux autres. La différence, je pense, fondamentale entre Croteau et Roy, puis la plupart des gens que je rencontre, il y en a peut-être d'autres, je ne me rappelle pas, c'est qu'ils étaient suffisamment dans leur intelligence pour voir que possiblement il y avait d'autres choses. Fait que quand tu es suffisamment dans ton intelligence, c'est vrai que c'était dans le domaine occulte, eux autres, là, si vous voulez, là. Mais quand tu es suffisamment dans ton intelligence qu'il n'y a pas trop d'écho astral, de basse vibration, là, pour être dans ton intelligence, puis pour pouvoir voir qu'il y a peut-être d'autres choses. À ce moment-là, c'est intéressant. Heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que ce sont des gens comme ça qui, demain, continueront à donner de l'instruction à l'humanité. Mais c'est pas facile. Dans le domaine de l'ésotérisme, c'est plus facile. Mais dans le domaine des sciences, puis de l'intellect, puis de la philosophie, c'est pas facile. Pas facile. Parce que les échos sont très, très différents. Très différents. C'est plus facile de voir de l'intelligence plus loin quand tu es dans l'ésotérisme que voir de l'intelligence plus loin quand tu es dans l'intellect. Je sympathise beaucoup avec les gens qui sont rationnels puis cartésiens puis qui sont capables d'en arriver un jour à aller au-delà du mur que je crée. Je trouve ça pas mal extraordinaire parce que moi, je sais que je suis pas un cadeau pour les intellectuels. Tandis que pour les occultistes, pour les ésotéristes ou ceux qui ont des idées, des esprits métaphysiques, ça peut être plus plaisant parce que je peux entretenir leur esprit puis soulever constamment leur esprit jusqu'à temps que leur esprit soit obligé de dire, bon ben, ouais, ce gars-là, il y a quelque chose à dire, là, faut que là, ils sont obligés de suivre. Tandis que dans le domaine rationnel, c'est une autre vibration. C'est quand tu tombes avec un physiciste ou un gars qui a des doctorats en ci ou des doctorats dans ça, là, c'est pas même patent. Fait que on a besoin du monde de même aussi. On a besoin de toutes sortes de monde dans le monde. Bon. Alors, l'homme doit sortir de la psychologie pour rentrer dans son psychisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme doit en arriver un jour à ne plus être capable de se poser de questions. Quand l'homme va en arriver un jour à ne plus être capable de se poser des questions, il va commencer à créer son psychisme. C'est-à-dire qu'il va commencer à réorganiser dans son mental, dans sa caverne, ces échos-là. Parce que le phénomène des questions qui existe chez l'homme, le phénomène de la question, c'est un phénomène d'écho. Et c'est le phénomène fondamental de l'écho. Ce qui crée la question dans le cerveau humain, c'est le phénomène de l'écho. C'est le rapport intuitif, inconscient, entre l'astral et l'homme. Alors, c'est un phénomène d'écho. Et un jour, l'homme doit en arriver à être capable de ne pas avoir à se poser des questions. L'homme peut faire de la recherche. Il y a une différence en faire de la recherche, autrement dit, regarder avec ton esprit dans les domaines qui ne sont pas ouverts à l'homme encore. Mais se poser des questions, c'est pas pareil. Regarder dans le domaine de l'esprit à l'infinité avec ton esprit, ça c'est du psychisme. Moi, je le fais tout le temps. Quand je m'intéresse à quelque chose, je regarde. Mais je ne me pose pas de questions. Je regarde avec les yeux de mon esprit ce que mon esprit peut me rapporter. Ça. Je suis comme un pêcheur. Je vais en mer, puis je vais chercher du poisson, puis je te ramène. Je me demande pas s'il y en a dans l'eau. Il y en a tout le temps dans l'eau. Ou je me demande pas si celui-là il est bon ou celui-là il est pas bon. Alors, c'est la différence entre le psychologisme et le psychisme. Et le psychologisme a créé chez l'humanité, chez l'homme de la cinquième race, un fossé entre lui-même et la fausse expression de lui-même qui est le produit de l'écho dans son cerveau. C'est pour ça que l'homme aujourd'hui n'est pas capable de se savoir lui-même, n'est pas capable de se réaliser lui-même, de se voir lui-même, n'est pas capable d'être dans son intelligence, de sentir qu'il est dans son intelligence, ou autrement dit, dans l'intelligence universelle. Et c'est pour ça que l'homme vit une vie existentialiste, au lieu de vivre une vie créative, et que l'homme est dans l'existence plutôt que dans la vie. Fait qu'éventuellement, avec la condition de vie qui devient de plus en plus négative sur la Terre, mais ça crée de plus en plus d'échos dans le cerveau, fait qu'éventuellement, la vie pour l'homme, pour bien du monde sur la Terre aujourd'hui, elle ne vaut plus la peine d'être vécue. Il y en a, tu leur donnerais une petite pilule, chose, puis elle prendrait tout de suite. Sans que la chienne ne manque leur coup. Et pourtant, la vie vaut la peine d'être vécue au-delà de 100%. Mais elle vaut la peine d'être vécue, la vie, au-delà de 100%, seulement quand tu la comprends à 100%. Puis pour la comprendre 100%, la vie, il ne faut pas que tu aies d'écho dans ton cerveau. Alors, l'homme doit apprendre à réduire l'écho dans son cerveau. C'est pour ça que je dis que l'homme doit apprendre, petit à petit, à pas trop se poser de questions. C'est particulier quand je dis. Quand je dis pas trop se poser de questions, pas trop se questionner, ça ne veut pas dire pas poser de questions. Parce qu'il y a une différence entre une question que vous me posez ou que vous posez à quelqu'un et une question que vous vous posez dans votre tête. Quand tu poses une question dans ta tête, c'est de l'écho. Tu crées. Quand tu poses une question à quelqu'un, tu ne crées pas de l'écho. Tu crées une pensée dont la nature est de faire venir une autre pensée. Autrement dit, tu ajoutes à ta pensée. Ça fait partie de la communication entre les hommes, ça fait partie du dialogue entre les hommes. Mais quand tu te questionnes dans ta tête, tu crées de l'écho. Fait que quand je dis apprenez les hommes à arrêter de vous poser des questions, je ne veux pas dire apprenez les hommes à pas vous demander les uns les autres des questions, mais je dis apprenez à prendre un break dans votre tête, arrêter de faire d'overtime au niveau des questions, parce que vous allez entretenir et développer votre psychologisme au détriment de votre psychisme, et c'est votre psychisme un jour, autrement dit, l'actualisation dans la matière du pouvoir de l'esprit qui sera la porte dont ou que vous emprunterez pour entrer, passer à l'éther, et ainsi de suite. Fait qu'un jour, ça sera ça, votre vie. Vous irez dans cette direction-là. Mais tant que vous allez vivre de psychologiste, vous irez nulle part parce que vous allez simplement entretenir dans votre cerveau des échos qui font partie de votre mémoire et qui soulagent votre émotivité, mais qui ne vous amène jamais à la limite de votre intelligence, c'est-à-dire qui ne vous amène jamais à l'infinité de votre savoir, c'est-à-dire qui ne vous amène jamais à un repos total dans votre esprit, le grand vide. C'est eux autres, c'est l'intelligence qui remplit le vide. L'intelligence remplit le vide, ta tête est pleine. L'intelligence sortie, ta tête est vide. L'intelligence remplit le vide, ta tête est... Tu peux pas avoir l'intelligence dans ta tête tout le temps. Moi, je peux pas vivre de même tout le temps. faut que je vise des périodes j'ai la tête vide, puis j'ai des périodes j'ai la tête pleine, puis des périodes j'ai la tête vide. Là, j'ai la tête pleine, ça va, je parle. Quand j'ai la tête vide, ben, je parle pas. Alors, ouais. Je trouve que c'est simple dans ce sens qu'à un moment donné, la différence qui existe entre le psychologique et le psychique, là, c'est comme tu dis tantôt, quand il y a une situation qui nous arrive, là, qu'on est là, qu'on pose là, au niveau de la dualité, parce que pour moi, là, c'est une question de dualité, là, de polarité. Fait qu'à un moment donné, on est là, puis on pose la question. Là, la psychologie qui dit, bon, mais il va nous arriver qui, ben, il y en a qui, il n'y en a pas. Tandis que dans le psyché, tu regardes, comme tu dis tantôt avec ton esprit, mais accepter que là, tu ne te poses pas de question, tu ne vis plus dans la dualité. C'est ça. Ça n'a pas d'importance d'un bord ou de l'autre. Ça n'a pas d'importance parce que la situation est créée. La situation qui vous fait vivre de la dualité dans votre cerveau, qui vous fait vivre de l'écho, c'est une situation créée par les forces en vous pour vous amener au cours de l'évolution à comprendre la game. Qu'est-ce que c'est, dans le fond, l'évolution? C'est comprendre le jeu de l'esprit. C'est la définition la plus simple que je peux donner à l'homme, qu'est-ce que c'est l'évolution. Tout le monde veut évoluer, puis tout le monde cherche l'évolution. L'évolution, c'est comprendre le jeu de l'esprit. Un homme qui comprend le jeu de l'esprit, il est évolué. Fait qu'il n'y a plus besoin de s'en occuper. Mais si tu ne comprends pas le jeu de l'esprit, ben là, tu vas t'en occuper en enfant de chaîne, tu t'arrêteras plus. Fait qu'automatiquement, de l'écho dans ton cerveau va en avoir, Charlie, puis tu t'arrêteras pas. Tu vas te questionner toute ta vie, tu vas lire des livres toute ta vie, ainsi de suite, tu t'arrêteras pas. Ça veut pas dire que c'est pas bon de lire des livres. Ça veut dire que si tu lis des livres, que tu lises pas des livres pour en arriver encore à te questionner, pas te questionner, pas te questionner. C'est pour ça que j'aime pas ça que les gens lisent. C'est pas parce que j'aime pas ça que les gens lisent, mais c'est parce que j'aime pas ça que les gens lisent. Parce que les gens savent pas lire. Les gens lisent pour créer de la question, pour créer de l'écho dans leur cerveau. Au lieu de lire pour voir ce que le gars a dit. Si le gars dit vibratoirement au niveau de ton intelligence, tu vas savoir si ça se tient. Tu vas savoir. On sait lire après moi. Vous savez lire après moi, ouais. C'est ça. Après moi, vous savez voir un film, vous savez vous amuser, vous savez, après moi, bénéficier de la culture. Bénéficier de la culture. Ben, c'est bien intéressant. S'il y a une chose qui crée du psychologisme, s'il y a une chose qui crée de l'écho dans votre tête, c'est bien de la culture. De la culture, c'est tout ça. C'est tous les échos historiques, culturel, national, international, c'est tout ça de la culture. C'est bien beau de la culture. C'est beau quand ça ne te fait pas vivre dans ta tête de l'attention, c'est-à-dire de l'écho. Mais si ça te fait vivre l'écho de la culture, à ce moment-là, t'es tout subi d'être un type qui n'a aucune culture par tout, puis qui s'occupe de ses petites affaires. On le voit, ça, quand on va dans les musées. Quand tu vas dans le musée ou tu vas dans une galerie d'art, ça pue de ces échos-là. Ça pue. Tu le vois tout. C'est stiff, là. C'est bien stiff. Tout l'ego, là. Mets un tableau de Picasso Saint-Mur, là, pas là, parce qu'il est mort, mais mets un tableau de Picasso Saint-Mur quand il était vivant, là. Tu critiques ce tableau-là, là, t'es mieux d'avoir tes guns. Mets un tableau de Raphaël, t'es mieux d'être solide si tu veux le critiquer devant quelqu'un, Charlie. Parce que tu vas te faire descendre en enfant de chien. Surtout si c'est considéré comme une affaire de 6 millions, tu sais. C'est subtil, la peinture. Puis moi, je suis pas capable de faire autrement quand je vais dans une galerie d'art. C'est stiff un peu, là. Déjà, j'en cause des livres, là. Sacrément. Alors, la personne qui fait une peinture, alors elle exprime quelque chose. C'est pas ça que j'ai dit. Savez-vous qu'est-ce que c'est votre problème, vous? C'est que vous avez une short fuse. Vous appelez bougie, c'est votre nom? Vous avez une short fuse. Vous avez tendance à interpréter ce qu'on dit. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est pas par ma mauvaise volonté. Je suis trompé, mais je savais en envoyer la question. Ouais. Je n'étais pas éduqué, je savais. Ouais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Non. Comprenez-vous? Vous Vous avez des drôles d'écho, vous. Mais vous êtes sympathique, anyway. Mais le point que je veux faire avec vous, pendant que je vous parle, tout semaine, vous parlez, le point que je veux faire, c'est que apprenez à ne pas chercher à interpréter ce que l'autre veut dire, mais à comprendre vibratoirement ce qu'il veut dire. Fait qu'à ce moment-là, vous ne créez pas d'écho et vous allez directement avec à votre vibration, à votre intelligence. Pendant que tu parles, c'est comme les gens, des fois, ils vont dire, on dirait qu'il y a une contradiction dans ce que je dis. Il n'y en a jamais de contradiction. S'il y en a une, c'est moi qui en ai. Comprends-tu? Moi, je peux en mettre une, mais t'as pas rentre. Il y en a jamais de contradiction. Il ne peut pas en avoir une contradiction, parce que j'ai pas d'écho. Fait que si vous voyez quelque chose, puis vous pensez qu'il y a une contradiction, ça, c'est l'écho dans votre cerveau. Prenez, venez me voir, ou allez voir quelqu'un vous l'expliquer, ou attendez, puis un jour, vous allez comprendre, vous allez voir qu'il n'y en a pas de contradiction. Mais si vous sautez tout de suite, à la conclusion, mais là, vous allez faire de l'écho. Tu veux le dire? Pendant que tu parles, j'ai dû me modifier pas mal depuis le séminaire, parce que c'est comme un blanc, je laisse rentrer. Une fois, une foule de questions à lui poser, puis j'attends, j'ai mes réponses pareilles. Mais j'essaie pas de raisonner autant que... C'est bon. C'est bon. Fait, quand vous arrêtez de raisonner, mais vous diminuez cet écho-là. Parce que rationaliser, raisonner ou rationaliser, c'est créer de l'écho. S'il y a une chose qui nous fait créer de l'écho, la machine, le mécanisme qui nous fait créer de l'écho, c'est le rationalisme. C'est comme ça qu'on se crée de l'écho. Il y a des gens qui sont moins... C'est une affaire de tempérament, ça, rationaliser. C'est pas une affaire d'intelligence, rationaliser. Il y a des gens qui sont très simples qui rationalisent, il y a des gens qui sont bien intelligents qui rationalisent. C'est une affaire de tempérament, ça, rationaliser. Il y a des gens qui sont... C'est pas dans la nature de rationaliser. C'est de même, blablabla. Mais quand tu rationalises trop, tu crées de l'écho, puis éventuellement, ce qui arrive, c'est que tu n'es plus capable de t'en sortir de cet écho-là. Tu en as tellement dans ta tête là, que tu n'es plus capable de t'en sortir, fait qu'automatiquement, la confusion s'y prête, tu deviens confus à la moindre chose,